je voulais crever, me pendre ou avaler des cachets. Tout à l'heure, la lumière ne passait plus, mes pupilles dansaient, mais ne fixaient plus. Tout à l'heure, un éclair dans le ciel m'a foudroyé en milliers d'étincelles. Tout à l'heure, un soleil indécis m'a recomposé, et à nouveau je crie, à nouveau je crie. Disparaître finalement à tout jamais. Tout à l'heure, je voulais te fuir comme la peste.